seul, mais j'ai pas froid, le plus dur est passé, j'ai un moral d'acier. Et si tu crois qu'aujourd'hui, oh, je ne sais plus quoi faire de ma vie, t'as rien compris du tout, on s'habitue, c'est fou. J'suis pas mort de chagrin, cette solitude, mais on se fait à tout, il faut bien sinon on devient fou. J'suis pas mort de chagrin. Sans voix, ça va pas être facile. Alors, je voulais rendre hommage à Johnny. Voilà, c'est fait. C'est la saga qui commence maintenant avec une sacrée mauvaise voix. Excusez-moi. bonsoir à tous et à toutes. C'est Thierry Gallet avec une voix bizarre ce soir. Oui, c'est comme ça. Et en plus, des bouchons sur la rocade, ça a été très très difficile. C'est la saga des Fab Four numéro 355. Enfin, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est préparée avec l'album Vertical Man de Ringo Starr en 1998. On écoutera King of Broken Hearts, on écoutera One, Drift Away, Vertical Man et I'm Yours et La Dédas. Ce sera pour l'album de la semaine. Il y aura également du George Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles, forcément. Pour George Harrison, Hear Me Lord sur All Things Must Pass en 1970. Pour John Lennon, on m'entend respirer drôlement là. Pour John Lennon, Hold On sur Plastic Ono Band. McCartney nous chantera Uncle Albert, Admiral Halsey sur Ram en 1971. Et pour les Beatles, par exemple, ce sera Anna Go With Him. Voilà ce qu'on peut faire. Et puis, je vous propose, puisqu'on est à la bourre, de faire plus court et de commencer tout de suite avec King of Broken Hearts. Bonne soirée à vous. La dernière fois que George Harrison apparaît sur un titre, c'est celui-là. La guitare, c'est George Harrison pour Ringo Starr. What I'm thinking of, there's someone that I can love. I just don't know where to start. I'm the king of broken hearts. Hearts I've lost before I ever start to love again. I'm the king of broken hearts. I give it all away to find a friend again. The dream I had before, she just walked right out the door. I want her back and nothing more. encore, malheureusement, apparemment, ça passe mal sur le net, alors qu'en FM, ça passe très très bien, puisque je suis en train d'enregistrer le podcast et j'ai écouté, ça va. Alors, essayez de retrouver le site de la semaine dernière. On avait trouvé quelque chose, je me souviens plus du site, mais c'était nouveau. C'était quelqu'un de connaissance d'Eric qui avait dit « J'écoute sur tel site et ça passe bien ». Si vous le retrouvez, peut-être qu'on pourra arriver à écouter. Et là, je vous propose « Hear me, Lord » et essayez de m'écouter, oui, si vous pouvez. C'est George Harrison sur RIG.

évidemment, ça va pas être facile. C'est le moment de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable londonienne du Beatles Magazine. Avec le Beatles Magazine, vous pouvez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Même si vous êtes malade, il suffit de faire BeatlesMagazineUK.com. Merci Lovely Rita, merci le Beatles Magazine. Extrait du premier album des Beatles, Please, Please Me, en 1963. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Oui. Et on retrouve son album de la semaine, l'album Vertical Man, en 1998, et ce titre, One, sur RG. Darkness coming soon. Feeling lonely in this empty room. Something's been going wrong. I'm barely holding on, and it's true. All it takes is one girl for just 1 minute. One Star qui sera donc le 6 juin à l'Olympia à Paris et je serai là-bas. J'espère avec une bonne voix. Oui, d'ici là, il y a le temps quand même. Et j'espère vous y retrouver nombreux, nombreuses malgré le prix des places. Parce que c'est vrai que c'est cher, mais bon, moi j'aurais vu au moins Ringo une fois et je serais allé au moins une fois à l'Olympia dans ma vie. Et ça, c'est drôlement bien pour un petit provincial comme moi. Voilà. Pour la chanson suivante, c'est pour faire plaisir à Tom Gard, je crois. C'est lui qui me réclamait à longueur de soirée sur Facebook pendant la saga des Fab Four des chansons issues de Thrillington, l'album de la reprise des chansons de Ram en version instrumentale par Paul McCartney. Je vous propose celle que je préfère, Dear Boy, en instrumentale sur RIG. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. I don't get her back again.

sur l'album Living in a Material World, c'est George Harrison. Ne vous inquiétez pas si j'ai une voix bizarre, je suis quasiment à faune, je suis presque en train de hurler, mais je fais l'émission jusqu'au bout, au moins pour ceux qui sont sur la FM, parce qu'apparemment sur le net, ça passe très très mal. J'espère que ce sera réparé très très vite, parce que c'est pas cool pour ceux qui sont loin. Mais vous êtes quand même sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Voici un autre extrait de l'album de la semaine, l'album Vertical Man de Ringo Starr. C'est une reprise et vous devez reconnaître la chanson, ça s'appelle Drift Away sur RIG. After day, I'm more confused. But I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose. I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Think that I'm wasting time, and I don't understand the things I do. Yeah, the world outside looks so unkind. Now it's up to you to carry me through. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. Sur RIG, puisqu'il faut que j'essaie d'économiser ma voix. Trois Beatles, I'll Cry Instead, I've Just Seen a Face et I'm Looking Through You. Vous êtes bien sur RIG 90.7. J'ai une voix bizarre, mais il faut considérer que c'est normal. Et c'est la radio des Beatles, RIG 90.7. get myself locked up today, but I can't, so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. I'm gonna do you better, hide all the girls. I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls, 'cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two and show you what your loving man can do. But till then, I'll cry instead. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Let's go. I know you don't look different.

Merci. Franchement, cet album va fêter ses 20 ans l'année prochaine et je trouve que c'est un excellent album de Ringo Starr. On arrive avec un petit peu d'avance, parce que je parle pas beaucoup, à la cover. La cover, vous savez, comme d'habitude, une chanson que les Beatles ont chantée, qui est reprise par quelqu'un d'autre. Eh bien, je voulais rendre hommage à Johnny Hallyday avec cette superbe reprise de Slow Down qui donne Dégage en français. Merci Johnny. Animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Thank you. c'est à la fin. C'est George Harrison qui chantait ça en 1975 sur l'album Extra Texture Read All About It. Vous êtes bien sur RIG, on a du mal à passer en internet, mais on passe encore en FM. Donc tout le monde, je vous convie à retrouver le podcast que vous aurez certainement demain. Voici John Lennon sur RIG en 71 sur l'album Imagine, I Don't Wanna Be a Soldier Mama sur RIG. Donc, comme je l'ai dit. fois accusé Paul McCartney d'aller dans la facilité. Moi, je trouve que sur cette chanson-là qui dure 6 minutes, il répète « Je ne veux pas devenir un soldat, je ne veux pas mourir ». Bon, on est dans le contexte de la guerre de Vietnam, d'accord, mais 6 minutes, quoi, c'est un petit peu long et c'est un petit peu facile. C'est franchement pas ma chanson préférée de l'album Imagine. Il a fait mieux, John Lennon. Je vous propose dans quelques instants de retrouver I'm Only Sleeping des Beatles, mais on va démarrer avant la version que vous connaissez par la version anthologie qui est une répétition de I'm Only Sleeping. Ça dure une quarantaine de secondes. On va écouter ça d'abord et ensuite il y aura un petit jingle et la version définitive. Si vous trouvez que j'ai une voix bizarre, c'est pas moi qui la transforme, c'est normal, je suis légèrement atteint, légèrement enrhumé, et je parle aussi fort que possible. Voilà, voici les Beatles, I'm Only Sleeping, version travail, répète, voilà, répétition. La saga des Fab Four, c'est sur RIG. Where I am.

future, right on the edge of do or die. En 1979 sur l'album éponyme. L'album s'appelle George Harrison. Je vous propose Paul McCartney qui se prend pour Elvis. Il le fait avec talent. En 1978 sur London Town, voici Name and Address. Elvis l'aurait chanté comme ça, c'est sûr. Ooh, well, I used to love you, baby, on a wash man. But maybe vous imaginez si le 6 juin, lorsque Paul McCartney, oh non, plutôt lorsque Ringo Starr sera en concert à l'Olympia, s'il fait monter Paul McCartney sur scène, et si on a le droit à ça? Déjà fait ensemble, John, enfin plutôt Paul et Ringo, ils ont déjà chanté ensemble cette chanson. Alors, le mois de juin, ce serait quand même vraiment très, très sympa s'ils le faisaient. Allez, on retrouve l'album de la semaine, c'est L'Adeda, c'est son dernier extrait avec ce titre, ben justement L'Adeda sur Vertical Man, c'est ce que je voulais dire, l'album de Ringo Starr. Live my life. It's only right, 'cause I can live your life for you. I'm satisfied, feeling high, 'cause I found out just what to do. You can bet I never let the things I get the best of me. When I get blue, here's what I do, and so can you. It is no mystery when you sing la la di da, like que sera, sera, whatever, la di da. Don't need to cry. No reason why is ever good enough for me. We can take a walk, just laugh and talk. Whatever's going to be will be. And when it rains, I don't complain. I'm like a train, I just keep rolling on. Sometimes you lose, you blow a fuse. You're not immune to what's been going on. Sing along. La, la-di-da. Can't be found, turning around. You know the remedy. You get what you always have, you only get what you always got. Just cut some slack, don't look back, 'cause it's a fact. It will be okay, will you say? Bye. d'entre vous viennent d'arriver sur RIG, sans doute pour écouter Johnny de A à Z dans quelques minutes, avec une belle voix, lui Eric, il a la voix qu'il faut, comme il faut. Mais en attendant, vous écouterez le podcast, j'espère, pour entendre notamment pour Julie Harrison, qui vient d'arriver, son titre préféré, enfin un de ses titres préférés de Paul McCartney. Voici Blue Sway sur RIG. I'm the Walrus et What You Got en version acoustique de John Lennon. vous êtes bien sur RIG, c'est la radio des Beatles, avec un direct avec une petite voix, et je vous promets que je le fais pas exprès, je suis quasiment en train de hurler. Bang, not a rule. quelques instants, Eric, et moi je vais me coucher. Bonne nuit, merci à tous et à toutes, et à la semaine prochaine. Salut, ciao.